Fête de Music Shop en solo, le samedi 14 septembre, à la Ninkasi dès 21h. 20$ en pré-vente, 25$ à l'entrée. Billets disponibles à la Ninkasi ou via lepointdevente.com. Ninkasi.ca, 18 ans et plus. Bonsoir amateurs de musique progressive, vous êtes à l'écoute de CKRL 89.1 à Québec et c'est l'émission Terrain Incognita. Pour l'instant avec Jean-François tout seul, mais Bruno s'en vient, soyez pas inquiets. Donc Bruno va reprendre l'animation, plutôt la mise en onde, oui. Ce soir, ben, c'est la 700e émission, vous allez dire, ça commence bien. Ben oui, ben, j'ai vu Marc lors de... du spectacle Seul Ensemble avec pour le Cirque Éloise pour rendre hommage à la musique de Serge Fiori. Et il me faisait remarquer que c'était la 700e émission. Ben oui. Et ben aujourd'hui, on a encore beaucoup de bonne musique. Il y a des groupes norvégiens en bonne partie. D'ailleurs, on va commencer avec Swifan Eol and the Mudra Choir. Il y aura, l'album s'appelle De Qui. On va entendre Wounded Dreamers. Ce sera suivi de Mosley Houghton avec Winter Rainbow. Et ce sera suivi de Rufus. Donc on y va tout de suite avec Swifan Eol. glassy smile was meant for her. Waking up to a winter sun, they're returning a long lost son. And the sun is always burning, and the moon is reflected. It's light. Oh, and the sun is always. She kisses the stars and turns her head downstream. A silver line of laughter, song, and love. She tears a course beside the valley wall. Of angels. KRL. À Québec. Première ovation, un tremplin pour la relève artistique de Québec. La Mesure a le plaisir de vous informer que tous les programmes du volet musique, en diffusion, en circulation, en perfectionnement, ainsi que les outils en développement de carrière, ont été révisés et améliorés. Musiciens émergents, consultez les détails sur premièreovation.com et déposez votre projet au plus tard le 1er juillet. Donnez-vous les moyens de propulser votre carrière. Bon, mais on est retombé sur nos pieds. Bruno est arrivé. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Et ben, c'était le groupe norvégien Rufus. Donc, c'est leur deuxième album qui vient d'être édité. Le premier, c'était Newborn Day. Donc, c'est un groupe qui existe qui a existé entre 1973 et 1981. Puis ça sonne un peu comme les groupes anglais. Disons entre Deep Purple, Uriah Heep et Yes là, pour la partie plus progressive. Ce disque-là contient 5 pièces qui ont en moyenne 7 minutes. C'était précédé de Mosley Wotton, qui est une valeur sûre, je pense, de la musique progressive actuelle. Eux autres, c'est leur 13e album après Sight of Day. Et ben, ce disque-là, il est marqué par la disparition de Liam Davison, qui est un compagnon de route du leader Brian Josh là, depuis 18 ans, qui faisait partie du groupe. Donc, il est décédé là, dans les dernières années. Puis, il y a 11 compositions pour 79 minutes. Donc, c'est un disque qui est rempli à rabord. Donc, on sent la colère là, de Josh, Brian Josh. Puis, c'est un guitariste qu'on pourrait qualifier d'émule de David Gilmour. Il y a un jeu là, qui se compare à ça. On remarque aussi une sommité là, de la musique celtique, là, Troy Donoghue, qui a fait partie, entre autres, de Iona. Lui joue des Yulin Pipe. Et juste avant, on avait débuté avec Swai Fan et All and the Mudra Choir. Donc ça, c'est un groupe norvégien aussi. Donc c'est une jeune formation, c'est un quatuor. Puis ils sont associés au psychédélique anglais. On pense un petit peu à Gong. Là. D'ailleurs, ils ont fait la première partie en 2017. Puis ce disque-là, comme on en retrouve beaucoup là, depuis un bout de temps, mais ça a été réalisé live en studio. Autrement dit, il n'y a pas de rajout, là, puis chacun joue de son côté, puis on colle tous ensemble. Là. Ils se regardaient dans le blanc des yeux, là, puis ils ont réalisé leur album comme ça, il a été joué comme ça. Et ben un autre rapport avec Gong, il y a une narration, il y a une pièce, c'est une courte pièce, là, qui a une narration de Gilly Smythe, là, qui est décédé, ça doit faire à peu près 2 ans. Et ben je vous ai parlé... lors de la dernière émission, je vous ai parlé d'une émission de progressif, mais assez éclectique. Là. Ça s'appelle Prog Cité. Puis, ils ont fait un spécial Canada et ça a eu lieu le 22 juin dernier, donc samedi dernier. Le podcast est disponible sur rqc.be/podcast avec un S et / Prog Cité. Il y a la playlist aussi que vous pouvez trouver sur le site. Et bien, lors de cette émission-là, il y a eu des extraits de Huys, ou Huys, si vous préférez. Il y a eu du Vector K, mais il y a eu aussi beaucoup d'autres choses, là, des groupes du Québec, mais aussi des groupes du Canada anglais, de Toronto. Et comme je vous dis, c'est assez éclectique, mais je vous conseille, moi, d'aller faire un petit tour là-dessus, c'est intéressant. Et bien, pour le prochain bloc, on va écouter du Soft Machine, leur dernier album en date qui est sorti à la fin de 2018, qui s'appelle Hidden Detail. Et ben, moi, j'avais beaucoup aimé le concert qu'ils ont donné l'an dernier. Et ben ça va être un très beau concert là, en juillet. Et ce disque-là, ben je pense qu'il fait pas honte là, à ce que le groupe a fait là, jusqu'à maintenant. Il y a aussi du Over Forward, comme on entend, groupe américain. Et il y aura aussi Ilse Turbain, le dernier album en date qui s'appelle Off the Radar. J'avais pas encore mis la main là-dessus. Et une nouveauté, Ilse Turbain avec Peter Hamill. Ça promet. Donc, on écoute tout ça et on vous revient en micro. Steps you take to find CKRL 89.1. Vous avez le goût de faire de la radio, de partager vos connaissances ou vos découvertes musicales avec nos auditeurs ? Proposez votre projet d'émission à CKRL pour la saison estivale ou la saison automne-hiver 2019-2020. Comment faire ? Rendez-vous sur ckrl.qc.ca et remplissez le formulaire en ligne. Faire partie de l'équipe de bénévoles de CKRL, c'est faire partie de la plus ancienne radio communautaire francophone au monde. Tentez votre chance. Vous avez jusqu'au 14 mai pour la saison estivale et jusqu'au 2 août pour la saison automne-hiver 2019-2020. Audiolite. Amplificateur pour casque d'écoute, amplificateur de puissance, lecteur CD, table tournante, enceinte multiple d'extérieur ou Wi-Fi Bluetooth, système compact cinéma maison. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Toujours spécialiste en son et images. Audiolite.qc.ca. Donc, on a entendu C'est Urbain, le groupe suédois avec Peter Emil. C'est une rencontre un petit peu particulière. Là. Peter Emil, qui est très actif de ce temps-là, il y a un gros coffret là, de 8-10 là, qui s'appelle Not Yet, Not Now. On va en mettre des extraits, mais pas aujourd'hui. Là. C'est quelque chose. Là. C'est un résumé de sa carrière. Puis ce que je vois un peu d'un critique, c'est qu'on parle de ça un petit peu comme son testament. Là. Je sais pas si on peut considérer ça comme tel. Là. Mais en tout cas, l'album s'appelle In Amazonia. On a entendu Before You Know It. Moi, j'aime beaucoup ce disque-là. Il faut dire que j'aime Isidore Bain, mais j'aime aussi Peter Emil. Et juste avant, justement, le dernier album en date, je veux dire, sous leur nom, là, Isidore Bain, Off the Radar, qui est paru en 2017. J'avais vu des critiques un petit peu mitigées, mais moi, c'est un disque qui me plaît beaucoup. Ceux qui connaissent pas Isidore Bain, ils font un prog symphonique, là, souvent avec des musiciens classiques. On avait eu la chance de les voir au Festival d'été, il y a longtemps, là, en 2003. Et ils ont des classiques comme De Voyage, Cheval, Volonté de Rocher. D'ailleurs, il y a eu un article dans un quotidien cette semaine à propos de Ferdinand Cheval et de son exploit, l'espèce de château qu'il a mis 30 ans à bâtir. Là. Si vous voulez vous initier à la musique d'Isidore Bain, moi je vous conseille Main Volume 2, un album double, où ils reprennent en concert, mais avec tout ce qu'il faut et toute la qualité là, de leurs grands classiques. Là. Juste avant, le groupe américain OVR-FWRD, donc Over Forward, c'est un groupe américain fondé en 2012 à Minneapolis. C'est influencé par des bands des années 70, mais il y a un petit peu de jazz rock aussi avec ça. Et cet extrait-là là, nous vient du dernier album Classic Rock là, qui nous est fourni avec le magazine Progressist, là, dans ce cas-ci c'est 96, et ben il n'y a pas d'album sampler là, de Progressist ce mois-ci comme j'ai dit la dernière fois parce qu'il y a eu des petits problèmes techniques, mais on perd rien, on change parce qu'il va en avoir deux lors du prochain numéro. Et pour poursuivre, un autre extrait de ce disque-là. Dans ce cas-ci, c'est Seaside Project. C'est l'album 10 Days. Et ça, ben c'est pas une histoire tellement joyeuse. C'est basé sur les 10 jours qui ont été passés par la journaliste d'investigation Nellie Bly à l'asile psychiatrique de Blackwell Island. Ça, c'est à la fin du 19e siècle. Puis elle s'est faite passer pour folle, puis ensuite dénoncer les conditions d'internement de l'époque. Sur cette musique-là, la voix est proche de Christina Booth, et donc on peut comparer ça un petit peu à Magenta, Genesis, Pink Floyd, Porcupine Tree et bien d'autres choses aussi. On aura aussi un extrait de United Progressive Fraternity, Planetary Overload. On va avoir aussi du Big Big Train, Grand Tour et Atomic Rooster. Ça, c'est extrait de Krautrock and Progressive, The Secret Archives. Donc, c'est tout un titre. Et bien, on va parler un petit peu de concert, même si on n'est pas là. Donc, le 31 juillet au d'Auteuil, dit Aristocrate. Le 10 août, à Salle Jean-Paul Tardy, à Arena. C'est un spectacle qui avait été remis, mais là, finalement, ça va avoir lieu. Très chaud, le 3 septembre, à la Salle Le Bûcher. Grand Théâtre de Québec, Steve Hackett, le 15 septembre. au Palais Montcalm, Rick Wakeman, le 27 septembre. 5 octobre, à salle Jean-Paul Lelièvre, The Project avec Red Sand. Ils sont passés. Stéphane Desbiens est venu présenter ça là, lors de l'émission de Marc, là, la Nordique a fait. Brandix, le 26 octobre, au Cégep Garneau. Et Kansas, au Grand Théâtre, ça, bien hâte, le 1er novembre. Et 26 novembre, The Pineapple Thief avec Gavin Harrison. Donc, pour l'instant, il va en musique avec The Seaside Project. Before a shopping time. green slime, something in the water. Time, keep in line, there's a new world order. Take no shame, who's to blame? Death to sons and daughters. Fahrenheit, warning light, Earth is getting warmer. To the Thank you. green slime stone on the horizon. Stop time, realign, no acclimatizing. Fight, survive, take no jive, no more taking on. Getting shorter. Sketches, free and fine lines. Garda World, leader québécois de l'industrie de la sécurité, offre une multitude d'emplois dans la grande région de Québec. Nous avons besoin d'agents de sécurité sur appel pour la période estivale et pour des contrats réguliers. Nous avons également des postes d'agents de transport de valeurs, de signaleurs routiers, ainsi que des postes temporaires ou permanents chez nos clients dans le secteur bancaire, industriel et services à la clientèle. Offrez-vous un monde de possibilités. Joignez-vous à une équipe dynamique en visitant notre site garda.com/carrière. Vous vivez de l'intimidation au travail? Dénoncer, c'est une décision difficile à prendre. Ici Mélanie Fleurant, conférencière et consultante pour intimidation au travail. Mes services de consultation ont pour but de vous aider à y voir plus clair à chaque étape de votre démarche, soit l'analyse et le montage de votre dossier, les recherches en lien avec votre situation et l'accompagnement en médiation. Pour en savoir davantage, visitez intimidationtravail.com. La première consultation est gratuite. Donc, on approche de l'autoroute, une demi-heure d'émission à Terra Incognita, et ça s'entend un petit peu avec Atomic Rooster. Donc ça, c'est extrait d'un coffret qui s'appelle The Krautrock and Progressive Box Set The Secret Archives. Et c'est un coffret de 6 disques qui contient toutes sortes de trésors de genre. Là. Un gars comme Vincent Delisle adore ce genre de choses-là. D'ailleurs, c'est lui qui m'avait donné envie quand je l'ai vu avec ça. Ah, ça me le prend. Donc, c'est mon troisième coffret de genre-là. Et c'est quand même intéressant parce que ça nous donne toutes sortes de groupes. Là. Et dans ce cas-ci, bien, c'est le Atomic Rooster des années 80. Là. Bien, en fait, de l'année 80. La pièce qu'on a entendue, c'est « They Took Control of You ». En tout cas, lui avait l'air assez en contrôle et dans un style très Deep Purple, disons, pour ce qui est de l'orgamon, mais aussi pour la rythmique. Là. Juste avant, bien, c'était un groupe qui est très en contrôle également, parce qu'il sort souvent des albums. C'est Big Big Train avec Grand Tour. Et bien, Marc vous disait tout le bien qu'il pensait de ce disque-là lors de son émission. Et ben il se trompe pas. Hein. On a entendu The Florentine. Alors, un petit mot aussi sur le packaging là, qui est absolument fabuleux. Là. C'est un digibook là, très très épais. Là. C'est de la grande qualité. Et juste avant, United Progressive Fraternity, c'est un petit peu des outfits là, de Unitopia. Parce que le groupe s'est splitté en deux, donc Southern Empire qu'on avait fait jouer et l'autre moitié, ben, c'est United Progressive Fraternity. Et dans ce cas-ci, il y a Steve Unruh là, qui s'est joint à tout ce groupe-là. Et on retrouve une foule d'invités. Marc nous en a parlé assez longuement lors de sa dernière émission. Et on avait débuté avec The Seaside Project, l'album 10 Days. Là, c'était le D8, le Silent Friends. Et ça, c'était extrait de New Species, volume 36, et volume final aussi, malheureusement, parce que la Classic Rock Society cesse ses activités. Et ça vient avec le magazine Progressis. Le dernier en date, c'est le 96. Et vous avez juste à taper ça pour voir les conditions d'abonnement. C'est un petit magazine qui est très intéressant. On retrouve un paquet d'informations et beaucoup, beaucoup, beaucoup de chroniques de disques. Il y a aussi des interviews et toutes sortes de choses bien intéressantes. Et on parle du coffret de Peter Hamill justement là-dedans. Et ben ça donne vraiment le goût de l'avoir et on va en entendre des extraits mais lors de ma prochaine émission. Et là, on poursuit avec Gong qui lui aussi fonctionne très très bien. Il y a un nouveau disque. Là. C'est le premier sans les traces de composition de David Allen ou d'invités là, qui sont associés à Gong. Là. Donc, c'est tous des musiciens nouveaux, mais ça ne fait pas arnaque pour autant. L'esprit de Gong est là, là. Tout est respecté. Et c'était la volonté de David Allen là, qui a réuni tout ce monde-là, puis lui voulait que le groupe continue. Là-dessus, ben, on revient un petit peu aux sources, un petit peu à l'époque de Flying Teapot. Là. Donc, c'est plus psychédélique que Rejoice, I'm Dead ou ICU, les deux derniers d'avant, là, où ce que David Allen... Ben, en fait, ICU, il y avait David Allen, mais quand Rejoice, I'm Dead est sorti, là, il était déjà décédé. Donc, il y a quatre chanteurs sur les cinq musiciens. Et ce sera suivi de Gong, Radio Gnome, Invisible Trilogy. Donc ça va sortir dans les prochaines semaines. On va en entendre un extrait. Et on vous revient.

Donc, c'est Gong avec Which Song I Am Your Pussy. Et ça, c'était initialement sur Flying Teapot. Et ça annonce la réédition de la trilogie Flying Teapot, Angel Egg et You. Et ces trois disques-là seront accompagnés là, d'un quatrième disque là, qui va s'appeler « Est-ce que je suis ?» Et ben c'est pour rendre un hommage à David Allen qui est décédé il y a quelques années et ça va donner quelque chose d'intéressant. Vincent vient d'arriver là pour l'autoroute, puis il dit ben ça va me prendre ça. Ben j'ai déjà regardé moi aussi. Je pense que ça va être le fun là, parce que c'est remasterisé aussi. Ça va être plaisant d'entendre ça avec un son plus moderne. Et juste avant, c'était le dernier album qui s'appelle « The Universe Also Collapse ». Et ça, c'est sorti tout récemment, on a entendu « My Sawtooth Wake ». Et c'est une pièce de 13 minutes. Et d'ailleurs, là-dessus, il y a surtout des pièces longues. Là. Donc, il y a seulement 4 pièces. Et ben ce groupe-là est très intéressant. Gong, c'est pas une supercherie, comme on dit dans le magazine... non, en fait, c'est dans une autre place que j'ai vu ça. Mais Gong est toujours vivant et on les aime toujours. Et bien, c'est déjà presque tout pour nous. On va terminer avec une pièce de Samurai of Prog qui nous vient d'un coffret qui s'appelle Omnibus. Et on va entendre la pièce Jérusalem qui est sur la partie Undercover qui était leur premier. Et ce coffret-là de 4 disques contient le premier album qui était simple, qui s'appelle Undercover, et le deuxième et le troisième aussi. Donc c'est remasterisé, réarrangé. Puis c'est présenté là, dans un coffret. Donc c'est tout pour nous. Soyez là la semaine prochaine, mais restez à l'écoute avec Vincent Delisle, l'autoroute qui se poursuit toute la nuit. Upon England's mountains green, and was the Holy Lamb of God on England's pleasant pastures seen? And did the Countenance divine shine forth upon our clouds? Chariot of fire, I will not cease from mental fight, or let my sword sleep in my hand, till we have built Jerusalem in England's green and pleasant. Cette émission est disponible en balado-diffusion. Cette semaine, en nouveauté au cinéma Le Clap Sainte-Foy, Cinévoyage Arctique présente Passage au Nord-Ouest, Les Drapeaux de papier et Spider-Man loin des siens. Et au Clap Loretteville, Annabelle 3, Retour à la maison. Cinévoyage présente Les Îles de la Madeleine et Spider-Man loin des siens. Rendez-vous sur leclap.ca pour consulter la programmation et plus encore. Bon cinéma. Avec Sentier Secret, j'aime installer une bulle paisible pour explorer cet espace de révélation que m'offre chaque auteur, compositeur, interprète ou musicien. C'est Suzy Turcotte qui vous donne rendez-vous chaque mardi à 13h30. Le 3 juillet prochain, voyageons ensemble gratuitement aux quatre coins du monde lors du souper en couleur dans le boisé de la place Jean Béliveau sur le site d'Exposité. Dégustation internationale, spectacle multiculturel, animation, jeux et feux d'artifice bonifieront ce pique-nique unique, festif et exceptionnel. Le souper en couleur, c'est un rendez-vous le 3 juillet prochain de 18h à 22h dans le cadre de la 411e fête de la Ville de Québec. Pour plus d'informations, festimonde.com. Le nouveau festival Québec Jazz en juin est présenté du 20 juin au 30 juin. Plus de 30 spectacles mettant en vedette près d'une centaine de musiciens dans plus de 10 lieux du centre-ville, ainsi que sur l'avenue Maguire. Brad Meldow, le réputé trompettiste Christian Scott, le bassiste Alain Caron, la légendaire chanteuse américaine Shayla Jordan font partie des têtes d'affiche de cette première mouture. Québec Jazz en juin, du 20 au 30 juin. Présenté par Arte Boréal en collaboration avec les foyers Dombard et l'hôtel Château Laurier Québec. Programmation sur jazzenjuin.com. Le 22 mai dernier, un drame a frappé la station Québec. Ses locaux ont été détruits par l'impact d'une voiture. La station Québec est un espace de travail partagé s'adressant aux travailleurs autonomes et très petites entreprises de la région. Ces derniers ont tout perdu et pour les aider, la station avec ses co-travailleurs sont en campagne de financement participatif sur La Ruche Québec. Faites une différence et démontrez votre solidarité aux sinistrés. Pour plus d'informations, visitez le site de La Ruche Québec, campagne du drame à la solidarité. Cet été, sortez au cinéma Le Clap de Sainte-Foy et Loretteville. Dès le 2 juillet, voyez Spider-Man loin des siens. Menteur, le 10 juillet, Le Roi Lion, le 19 juillet et Il était une fois à Hollywood, dès le 26 juillet. Économisez grâce à la carte AbonneClap, disponible dans nos deux succursales de Sainte-Foy et Loretteville et en ligne. Bon cinéma! Cheap. Pourtant, d'habitude, un samedi soir, on fait pas de pouce longtemps. Bon, enfin, il y en a un qui allume. Ça commence à être le temps. Vers où tu t'en vas? Ben, je prends l'autoroute 89,1. Wow, j'embarque.